jouer l'harmonica qui joue. C'est quoi? Un D? I don't tune my guitar. Does I must tune my guitar or not? Okay, play what you want. I try to follow with the guitar. Peut-être on peut mettre en 16. Thank you. I'll be compliment. Ah, thank you, ouais. Merci, parce que... Ah, mais je sais pas, il faut qu'on vote comme ça, oui. Qui c'est qui veut voter parce que mon clavier marche pas? Voilà. Ah ouais, on voit bien le son sur Real In Jam, c'est bien, il y a un truc. Donc là, je suis fort. Thank you. Manu Bass à la basse, Zig au clavier, un B au clavier, EFK au clavier. Merci, bon appétit, à bientôt. Merci, à bientôt. À très bientôt, parce que étant donné qu'on est enfilé, qu'on se chie. Thank you.